peux me dire mon casque sur mes oreilles. Hop, hop, ouais, c'est bon. Bien. Oui. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ah. Vas-y. On va enregistrer Emilia. Attends, je vais remonter ma vitesse. Je suis sur 3. Attends, je vais manœuvrer, d'accord? Hop. Et. Hey, tu nous dis où on va? Bon, à la véranda. J'ai mangé ça. Un big ticket. Cinétique ASB présente. J'entends rien. Un atelier radiophonique réalisé par les enfants qui sont Arnaud Fretter. Je m'appelle Sana. Sana Naïm. Tu as quel âge? 7 ans. Je m'appelle Jonathan Vossart. 9 ans. Toby, 20 ans, 14 ans. Farah, je m'appelle Farah, 7 ans et demi. Omar Arkady. Et ça fait 3 ans que je suis ici. Tu veux m'enregistrer ou quoi? Oui. Alors, comment ça me fait? Emilia. À quel âge? 13 ans. Est-ce que tu peux te présenter dans le micro? Je m'appelle Imane, j'ai 11 ans, je suis dans la classe de Luc avec Sophie, avec Omar, avec moi et je vis ici. Et qui c'est qui vit ici avec toi? Philippe, Christian, Leïla, c'est de l'éducateur. Elles font un joli bruit, tes béquilles. Hein. Ça fait mal aux oreilles. Hein. Est-ce que tu sais pourquoi tu viens ici? Parce que c'est une école pour moi. Une école pour les handicapés. Une école pour les seuls qui sont en CS. Et... Ben, moi, je m'y canne. Tu me les décris? Elles sont comme ça. Je comptais. 1, 2, 3... 4, 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et ça s'appelle des pics. Si je les ai pas tombés. Tu préfères les béquilles ou le cadre? Le cadre parce que j'aime bien courir. Et mon plan aussi, mon plan debout, c'est le runner. C'est un truc pour comme ça, être debout. Regarde comme ça. Mais comme ça, mais avec le pouce-pète et la ceinture. Et donc, tu as besoin d'un appareil pour tenir debout? C'est pas un appareil, c'est un plan. Je peux avoir le casque? Peux-tu lire le micro, Céline? Non! Si tu veux, tu peux mettre le micro là sur la table. Allô? Allô? Oh. Mais j'entends rien du tout. Pourtant, le son est allumé. Hein. J'entends rien du tout. Alex, j'entends rien du tout. Pourtant, c'est allumé. Par exemple, le handicap d'Imane, c'est comment? Il n'y a rien à handicap d'Imane. Imane, il n'a pas de handicap. Non. Mais mars, mois de mars. C'est un handicap, elle a un handicap des reins. Chaque fois, il y a quelques fois qu'on change son rein et qu'on en remet à nouveau, qu'on change un autre rein et on met à nouveau. Elle a des problèmes comme ça. Et je sais déjà que avant, elle est née trop tôt. Elle n'est pas née comme nous à 9 mois. Elle est née trop tôt. Et c'est... Les poumons sont venus après. Elle est née et puis les poumons sont venus derrière. Non, à l'intérieur, ils sont formés plus tard. Une fois qu'elle était déjà née, ils se sont formés plus tard. Depuis que je suis petit, j'ai marché 2 pas, je suis tombée. Et après, on a dû m'opérer. Si vous voulez, j'ai une cicatrice, mais je ne sais pas vous la montrer. Elle est en dessous de cette attelle. J'ai beaucoup, même au bassin. Et j'ai aussi des problèmes de respiration et de vomissement, mais cette fois... J'ai plus de vomissement gastrique. Quand je suis rentrée à la maison, après l'hôpital que je suis née, ma maman et mon papa m'ont vu. Ils croyaient que je vais marcher. Après, ils m'ont vu pas marcher avec eux, ma soeur qui marchait, et sauf moi. Elle a quel âge ta soeur ? 7 ans. On est jumelles. Et tu sais pourquoi alors, toi, tu as eu des problèmes et pas elle ? Je sais pas pourquoi. On va tomber. Non, non, il ne peut pas tomber. Manon, on peut t'enregistrer. Oui. Il faut d'abord qu'on retrouve Sophie avant. Attends, on va d'abord trouver Sophie. Ok, on va trouver Sophie. Moi, je suis par là, de toute façon. T'as le temps ? Oui, j'ai le temps. D'accord. Tu peux ajouter du son ? Tu peux quoi ? Ajouter du son. Ajouter du son ? Ouais, tiens. Ça va mieux là ? Encore ? Encore, ça va être dur. Quoi ? Non, j'entends rien du tout. T'entends très bien là. Hop là. Mais devant ma bouche. Alors. Et... Mais on n'entend rien ? Parce que avant, t'avais mis fort. Et là, c'est difficile d'aller plus fort. Hein. Mais si, avant, t'avais mis. Ils sont bien gonflés, tes pneus. C'est moi qui a gonflé le pneu avec le gros poids sur eux. Ne pas ranger mon vélo. Vous pouvez me suivre. Là, on va enregistrer avec Sophie et Iman au bac à sable. Mais si tu veux, la semaine prochaine, on va t'enregistrer avec ton vélo à toi. Alors, et on est où là, Sana ? Tu nous expliques ? En ergo. Qu'est-ce qu'on fait en ergo ? On répare les voitures, il y a le bac à sable, il y a un piano, il y a des jeux. D'accord, et qu'est-ce qu'elle fait, Anne, tu crois, là ? Je pense qu'elle revisse la tablette. En fait, ça, c'est un vélo spécial qui peut aider des gens qui savent pas aller comme des vélos normaux. C'est pas des vélos normaux, c'est des vélos qui peuvent aider des handicapés, des gens qui n'ont pas la même chose que vous, qui savent pas marcher. Alors on les aide comme ça, pour des attaches spéciales. Et l'autre là, qui est à côté, tu me disais ? C'est une automobile. C'est un truc, tu mets les deux jambes sur le truc, tu tournes la roue et ça tourne. On met ses pieds comme ça, et rien qu'avec le mouvement du guidon, on avance. T'as déjà fait ça, toi ? Non. Non, j'ai été trop grand pour y arriver. Je vais le casser. Alors, Florian, qu'est-ce que tu voulais raconter ? La prochaine fois, quand j'étais un petit, ma maman, il a donné un biberon à moi. Et le loup, il a mangé le biberon. Parce qu'il était dans la forêt, un biberon, il a mangé. Et après, j'étais triste. T'étais triste, pourquoi ? Parce que le loup, il a mangé le biberon. Mais un jour, ma maman, elle a donné un lieu de rendez-vous pour le docteur parce que j'avais quelque chose. Je vais pleurer parce que j'ai mangé un gros morceau de citron. Et je m'ai caché dans les arbres de la forêt tropicale pour me cacher parce que j'avais peur. Et alors, je m'ai caché dans la fleur parce que moi, je dois grandir là-bas, tout là-haut. Ok. Merci. Florian, t'as fini ? Non. Ah. Mes petits frères... Mon bébé, Mathéo, il s'est battu avec le loup. Et après, le loup, il a mangé mon frère. Après, il s'est caché dans les fleurs. et c'était un grand loup. Un jour encore, il était ami avec moi, le loup. Et je l'ai promené et après, il a mangé une araignée et il a entendu un bzzz, un moustique dans la forêt tropicale. On finit l'histoire la prochaine fois ? Non. Non, tu veux encore continuer longtemps ? Oui, oui, oui, oui. Dans un gros appareil un peu compliqué. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Un plan dans lequel on se met debout. Ça bouge, il y a des roues, il y a une tablette, il y a une coque. Et alors, c'est agréable d'être là-dedans? Oui, parce que c'est bien pour mes jambes. Ça te fait moins mal? Oui. Ça fait combien de temps que tu as cette chaise dans laquelle tu es assise? Pas de quel temps. Elle marche comme ça. Quand j'appuie là, ça me avance. Ça te fait avancer. Donc c'est juste avec ton doigt que tu dois bouger, c'est ça? Oui. Ce bouton, c'est quoi? Pour allumer. Et celui-là? Pour klaxonner. Pour klaxonner? Elle a été faite pour toi spécialement? Oui, c'est Laurie l'ego qui m'apprend ma chaise. C'est une égothérapeute. C'est bon ça. Coucou Julia. Coucou. Allez, on y va. Hop. Tu comptes? 1, 2, 3. Et pas trop vite, hein. 3. Allez, vas-y. 4. Oui. 5. Non. 5. Prends le carré. 6. Voilà. 7. Doucement. Vas-y. 8. Oui. 9. Oui. 10. Super, tu te couches, tu lèves bien tes bras. Tu respires. Elle a pas ses attelles, ça fait un bruit tout différent. Ça fait quick, quick, quick, quick. Allez, l'autre jambe, à toi. Ouais, vas-y. Tu pousses, plie. Tu pousses, abaisse ton bras. Plie bien, tu pousses, vas-y. Et toi, tu viens souvent ici? Oui, pour faire la clé, pour marcher avec les cannes. Je marche sans les cannes parfois. Et ils me prennent, mais presque ils me tiennent pas. Et je marche. Et tu pourrais arriver à marcher sans rien du tout à un moment? Ça, c'est pas sûr parce que j'ai pas la même. C'est même pas la même pathologie. Moi, il me manque l'équilibre. Il me manque plier les jambes, il me manque le bassin, il me manque les jambes qui sont compliquées à marcher. Ça fait beaucoup. Oui. Et toi, Imane, tu viens souvent au kiné? On fait de la psychomote, on joue au loup, on joue à la balle, on joue au tennis et on joue à ça. Non, on joue pas avec ça. Si, moi, je joue. Mais pour les handicapés, on joue pas avec ça. On dit pas ce mot. Mais c'est la vérité. On dit. On doit affronter la vérité. On est handicapé. Mais moi, je dis pas ce mot. Non. Ça ne dit pas quand même, hein. C'est la vérité, Iman. Toi, tu dis quoi, Iman? Quoi? Si tu dis pas handicapé, tu dis quoi? On ne sait pas marcher bien, on ne sait pas parler, on dit handicapé. Pourquoi tu trouves que c'est une insulte, Imane? Ben ouais. Il n'y a que les adultes qui me peuvent dire, mais pas les enfants. Sinon, moi, si tu dis, ça t'irait bien que moi, je te dis handicapé. Oui, mais chez les musulmans, ouais, c'est autre chose. Mais ici, si, on doit apprendre la vérité. C'est vrai, Cynthia. On doit apprendre la vérité. Mais on doit affronter la vérité. On doit dire handicapé. Ça ne dit pas comment on dit. Et toi, Farah, tu trouves que c'est une insulte ou pas? Si, oui, c'est un gros mot. Parce que, eh ben, moi, ma cousine, elle me dit handicapé, handicapé. Mon frère, il me dit handicapé, mais je le pardonne parce qu'il. C'est. Tu vois, pour les gens, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ressentent pas la même chose que nous. C'est pas leur faute, ils sont fâchés. Moi, je le pardonne et il. Tu sais, tu réponds pas à ça. Tu sais, tu fais la manine, tu réponds pas à ça. Tu restes là, tu dis. Je m'en fous, tu peux me dire, mais. Toi, ça t'énerve quand elle te dit ça, handicapée? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu réponds? Non! Un nouveau son. Voilà, j'ai trouvé. On y va? Ok. C'est parti. Alors, on commence ici. La. C'est quelle ma. Lettre? Ma. Ma. Et ça fait ma. Marc. Marc. C'est le prénom d'un garçon. Marc, oui. Passé, bien. Là. Tu veux que je mette des couleurs? Non. Dans le mot, c'est plus facile. Le. Non, petit. Le. C'est quelle lettre ici, Jo? Après le I, c'est. Le. Le. Qui? C'est le T. Oui. Petit. Te. Porte. Bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Marc? Marc, il a passé par la petite porte. J'aime bien écrire mon prénom. J'aime bien écrire tous les prénoms. Même les enfants qui ne sont plus ici. Dans la classe de Luc, on apprend des trucs. Avec Imane, on boit de la tisane. Avec Laura, on filme avec la caméra. Avec Sophie, on fait des photocopies. Avec Omar, on joue au léopard. Avec Martin, on voyage en train. Et le meilleur moment de la journée, c'est quand on va goûter. Moi, je me rappelle, Emilia. Le tout début, on m'a expliqué que Emilia, elle parlait polonaise et on comprenait rien du tout. Et après, si on voulait lui dire quelque chose, on devait lui dire en polonais, je sais pas. On devait lui dire en polonais parce qu'elle comprenait rien. Elle savait pas dire bonjour en français. Elle a appris. Après, quand elle a grandi, elle sait parler français, mais maintenant. Elle sait plus parler polonaise. Et alors, un petit truc en polonais? Dzień dobry. Ça veut dire bonjour. Cacao. chanter, de chanter la boule la la la frisson. Et la la la la la la la frisson. C'est chanter dans la prison. Et c'est chanter dans la prison. Théa, le seul truc qu'elle sait pas faire, on doit lui laisser le temps de parler parce qu'elle a, elle a un problème à sa voix. Elle sait pas parler plus rapidement que nous. Théa, c'est vrai ça? Et tu trouves ça difficile, Théa, d'être handicapée? Non, j'ai décidé d'être handicapée. C'est toi qui as décidé d'être handicapée? Oui, il y a des pierres et des rochers qui me roulent dessus. C'est ça l'impression que ça te fait? Oui. Et ça te fait mal, ces rochers? Oui, ça fait mal, tout le temps. On dirait pas quand tu souris comme ça. Même maintenant, t'as mal. Oui. Moi, je te dis, Leïla, on ne va pas faire la relaxation à ce temps-là, quand même. Alors, qui va vouloir aller à la relaxation? Non, on ne va pas faire la relaxation. Tu crois qu'il fait crever? Théa, est-ce que tu as envie de faire de la relaxation aujourd'hui? Oui. Théa, elle est toujours d'accord. Allez, ça enregistre là. Oui. Jérémy, t'étais pas dans un fauteuil avant? Si, mais maintenant, je marche. Et comment ça se fait que tu marches maintenant? Bah, je suis obligée de marcher en cadre. Parce qu'on m'a opéré. Et puis maintenant, mon bassin, il est bien. Et puis, je dois pas aller tout le temps dans ma chaise. Maintenant, je dois aller en cadre le plus possible marcher. Et comment ça s'est passé l'opération? Bien. C'était long? Oui, 6 heures. Et après, je suis restée pendant 4 mois à la rééducation. Moi, j'ai l'habitude. Ah, tu sais, plier, replier, à me demander. Moi, je suis allée plein de fois comme toi. Combien de mois? Moi, beaucoup de mois. Au moins 3 ans. Au moins 3 ans à l'hôpital. Plier, tendre, plier, tendre, plier, tendre. Non, je suis un peu plus. Je mettrai sur le côté, je vous supporte. Ah ouais. Et tu vas te baigner avec ta chaise? Non. Je vais aller dans l'eau. Emilia, je vais t'aider pour tes cheveux parce qu'ils sont pas du tout dans ton bonnet. D'accord. Ok, je t'enlève le bonnet. Tout seul? Mais non, je nage avec Virginie. Ah, d'accord. Elle est froide, là. Je nage pour le reste du cœur. Ah, c'est froid. C'est froid. Tu croyais que c'était chaud. Et tu vas faire combien de longueurs? Moi, beaucoup de longueurs. 10! 11! 12, 14. Ah, il est pas du je nage d'abord sur le dos et après sur le ventre. Et c'est la deuxième fois que je viens. Il va lancer de l'eau. Et si on faisait après, si on faisait moi. Je monte sur ton dos et toi tu nages vite comme avant. Attends, je mets mes lunettes. Oula, oula. Attention, allez. Oui, Sada. Tu veux parler aussi dans le micro? Viens, on va parler tous les trois. Viens. On va faire la radio maintenant. On va faire la radio comique. En fait, viens. Qu'est-ce que tu aimes bien? Comme ça, c'est de la musique, du rap, le rap. Et j'aime bien quand il se frappe dessus. Dans le Vendel et Bruce. Et c'est tout. Et les quatre. Et tout, j'aime bien tout. J'aime bien le son du micro. J'aime bien le son du papier bulle. J'aime bien le son de la flûte. J'aime le son du cœur. Il t'entend tout ce que t'en dis, maman. J'entends les bouches en ton main. J'aime pas le son de l'orage. J'adore le son de la pluie. J'adore. J'adore le son de ma pompe. De ta pompe? Oui, c'est ma pompe. Et les autres, elles font pas le même bruit? J'aime pas le son de la pompe de Jonathan. J'aime bien le son du grincement de porte. J'aime pas le son des monstres. Ah! Non, comme ça, regarde. Ah! Comme ça. Ah! Ah! Chut. Ouh! Ouh! La main de qui me fait dire bonheur. Omar, où tu vas? Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il veut marcher. Allez, allez, on va marcher. Pourquoi tu veux marcher? Sans ta chaise, sans ton cadre? Parce que j'ai jamais eu la sensation de marcher sans mon cadre. T'as jamais marché comme ça? J'ai eu déjà la sensation, mais il y avait mon cadre à côté. Ah. Ouli. Attends, doucement. Ouh. Charlotte, Charlotte. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Maman est coincée. Ouh, ouh, ouh, ouh. Ah. Attends, attends, ah. attends. Aïe. Oui, mais je sais pas faire autrement. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Tu veux qu'on aille chez Marie? Pour être au calme? Oui. Attention, tu vas tourner. La fois passée, avant que j'aille chez Cathy, je suis fait opérer et on m'a mis un appareil, une pompe. Comme ça, je suis détendue. Et à chaque fois, de temps en temps, je vais à Iran pour remplir ma pompe. Elle est grosse, mais c'est en dessous de mon pull. Ah, donc on ne peut pas la voir. Mais non, si tu la vois, ça va prendre du temps après de me rattacher. Et il y a quoi dans cette pompe, tu sais? Il y a... Je ne sais pas comment je dois dire. Parce que quand on m'a opéré, j'ai rien vu comment ils ont... Parce qu'ils m'ont endormi avec un mât qui a du produit. Et en fait, c'est tes bras qui se crispent, c'est ça? Oui, et mes jambes. Quand je me mets dans la voiture, quand je me mets dans ma voiturette, quand il faut me prendre, je suis crispée. Et ça, tu peux pas contrôler? Non, ça, c'est pas moi qui décide. C'est les médecins qui décident. Et si la pompe, elle veut pas fonctionner, alors tu sais quoi? Ils vont m'opérer. Ils vont la renlever. Ça, je ne veux pas m'opérer, mais c'est obligé. J'ai pas le choix. Ça me rend triste que je vais me faire opérer parce que je dois rester là-bas à 6 jours. Et ça, je ne veux pas. Ça, je déteste. Et est-ce que des fois tu es en colère, Sana? Oui, des fois quand je ne veux pas aller sur mon plan, je suis en colère. Ça peut arriver à tout le monde d'être en colère. Parfois à Omar, parfois à Iman, parfois à Reitan, parfois à Florian. Et toi aussi ça t'arrive? Oui. Attends, mais pas faire de bruit. Mais c'est vrai, vrai de vrai. Un, deux, trois, c'est pas raconte. Non. De quoi? Pour cache-cache. Soit cache-cache. Donc on se tape parce qu'on joue à cache-cache. On peut se taper là. C'est là. Et maintenant, va cacher avec moi. Cache où? Là-bas. Là, elle va pas me voir, je pense. Je vais derrière la porte. Comme ça, c'est mieux. Je vais rester derrière la porte. Je peux? Tu peux retourner ma main, s'il te plaît? Comment je fais ça? Non, l'autre. C'est là ou c'est là? C'est là. Qu'est-ce que je dois faire? La remettre à plat. Non, ma main. Regarde. C'est là? Non, l'autre. Celle-là? Oui. Je te la remets à plat? Oui, ma main. Encore. La retourner, ma main. Tu veux que je trouve quelqu'un? Non, ça va. C'est bon. Non. Ah! Trouvé! Ah! On va faire la radiofolie. L'année prochaine, je pars. J'ai plus resté ici parce que je suis trop grande. On trouve pas d'école pour moi. Dans les écoles, il n'y a pas beaucoup de place. Dans les écoles spécialisées? Oui. Je peux pas aller dans une école de pas handicapé parce que sinon, je sais pas marcher. Hé, Adèle, on n'a pas le droit de dépasser normalement. Moi, ce que je pense, je suis bien comme ça. Il faudra bien marcher parfois, mais je suis bien comme ça. C'est le Dieu qui m'a fait comme ça, je peux pas en vouloir. Tu sais pourquoi il m'a fait comme ça? Parce qu'il savait déjà que j'allais apporter du bonheur à moi, et à mes parents et à mes frères. On peut rien y faire, je suis bien comme ça et c'est tout. Point final. Au revoir, maman! Vas-y, Gretel. Maman, la petite maman. Monsieur Gretel. Maman a perdu une canne. Vas-y. Allô. J'entends rien. Vas-y, Gretel. Allez. Radio Greva, Emilia, Farah, Florian, Omar, Iman, Doremi, Tampalo, Jonathan, Tritan, Dana, Sophie, accompagné de Alex, Anne, Cathy, Céline, Charlotte, Cynthia, Christian, Leïla, Luc, Marianne, Mélanie, Mélie, Nathalie, Origan, Philippe, Véronique et toutes les personnes qui sont participées à l'atelier. Vas-y. Animation et réalisation. Céline Darmaillan. Montage. Mélisse Cotard. Mixage. Origan Canella. En collaboration avec le Centre Arnaud Fréter et Cinétique ASBL. Avec le soutien des ateliers d'art contemporain et du Fonds Elia. Géré par la Fondation de Roi Baudouin. Merci. Marie, Camille, Martine, Sébastien, Patrick, Sarah, Romain, David, Christian, André, Aniba, Rosanna, Anne, Jérôme, Aline, Radio Air Libre. Et les étiquettes, oui. Merci.